Maintenant, nous allons voir la différence entre ces deux phrases. Il regarde la télévision et il est en train de regarder la télévision. Commençons par « il regarde la télévision ». Dites d'abord « il ». Ta. Regardez télévision. Kan dian shi. Il regarde la télévision. Ta kan dian shi. Il est en train de regarder la télévision. Il. Ta. En train de. Xian zai. C'est uniquement la deuxième partie de ce mot que je vais entendre. Celui qui signifie « en train de ». Ah oui, en fait, j'ai dit « maintenant ». Oui, c'est ça. Hein. Excusez-moi. « Zai ». Donc, il est en train de regarder la télévision. Cela se passe en ce moment. Il est en train de... « Ta zai ». Regarder télévision. « Kan dian shi ». Il est en train de regarder la télévision. « Ta zai kan ». Nous utilisons donc le mot « zài » avant le verbe pour les actions en cours qui sont en train de se produire. Mon ami est en train de lire un livre. En train de lire. Mon ami est en train de lire un livre. Alors, mon... Wǒ ami... Peng you. En train de... Zài. Lire ou regarder livre. Kan shu. Comment avez-vous dit ami? Peng you. Il faut dire you avec le V rouge de la victoire. You. Et peng you. Peng you. Mon ami est en train de lire un livre. 我的朋友在看书. Comment dit-on « il ne veut pas regarder la télévision »?« Il n'a pas envie de regarder la télévision ». Littéralement, « il ne pas vouloir ». Alors dites d'abord « il ». Ta. Ne pas vouloir, ne pas avoir envie de. 不想. Regardez. Kan. Télévision. Dian shi. Comment dit-on télévision? Dian shi. C'est ça. Dian shi. Avec deux doigts noirs pointés vers le sol. Il ne veut pas regarder la télévision. Ta bu xiang kan dian shi. En chinois, le mot vouloir, avoir envie de, se dit xiang. Xiang. Quand on dit je voudrais en français, on peut dire je voudrais faire cela, je voudrais aller là et aussi je voudrais cette tranche de pain, je voudrais ce livre. En français, on peut donc l'utiliser avec d'autres verbes et on peut l'employer avec des noms, comme dans je voudrais cette table, je voudrais ce cahier, etc. En chinois, on ne peut pas faire ça. Xiang est uniquement utilisé avec d'autres verbes. Oui, et donc on pourra l'employer dans des phrases comme « Je voudrais rentrer à la maison »,« Je voudrais te voir », »,« Je voudrais lire un livre ». On ne pourra jamais utiliser ce verbe-là avec un nom tout seul, comme « livre »,« maison » ou « table ». Nous apprendrons bientôt un autre verbe qui signifie « vouloir » et qui s'emploie avec les noms. Maintenant, traduisez « Mon professeur est aussi trop occupé pour lire un livre maintenant. » Dites d'abord « mon professeur ». 我的老师. Maintenant. 现在. Aussi. 也. Trop occupé. 太忙. Ne pas pouvoir. 不能. Lire ou regarder livre. 看书. Et comment dit-on maintenant? 现在. 在。 Attention, c'est 现在。 现在。 Mon professeur est aussi trop occupé pour lire un livre maintenant. 我的老师现在也太忙，不能看书。 Donc, en fait, ce qu'on a dit ici, c'est mon professeur maintenant aussi trop occupé, pas pouvoir regarder livre, c'est ça? Oui, oui, c'est bien ça. Oui. Merci. Alors, l'ordre des mots que nous avons présentés s'étoffe un peu maintenant. Jusqu'à présent, nous avons dit qu'il faut commencer avec qui fait l'action. Ensuite, on veut savoir quand cela se passe. Et enfin, quoi, hein? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, nous allons demander qui fait l'action. Mon professeur. Quand? Il le fait maintenant. Et en plus, nous voulons savoir comment il le fait. Dans cet exemple, aussi. Et en dernier, ce qu'il se passe. Lire un livre. Ce qui donne, mon professeur est aussi trop occupé pour lire un livre maintenant. 我的老师现在也太忙，不能看书。